Franchement j'oublie tous les soucis devant un MIC, toujours en VIP pour poser le son qui te met la nausée. J'ai pour causer, lancer ma vision des choses, ça changera aucun problème. Je me surmène sur ce que t'aimes comme sur scène, accompagné de mes complices pour foutre le spell, ce que à l'inspire. Quand il s'agit d'MC, j'aime ça, mais comme ces grosses putes en plastique, je jette ça sans excès. Je représente RP dans tous ses aspects, rappeur suspect, on s'use pas mais le travail ça se paie. Comment résister, feuille planche stylo à longueur de journée, les rimes propres comme les instrus, comme l'argent, c'est pour mes gens, mes OGs, du requiem possible. Putain c'est possible de faire sa vie seul tout, célibataire avec un MIC. Ouais c'est possible, la vie est assez dure comme ça pour la rendurcir. Ça me rend dur juste pour dire qu'ici entre l'amour et la trahison je me suis perdu. Perdu sur ma route, putain je suis écorché vite. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bomber ici. C'est CLA, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain je suis écorché vite. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Je me la raconte pas comme beaucoup le font. Je reste 3, je trahis pas, même si je touche le fond. Écoute ma diction, une malédiction, je vais hors de fiction. J'écris la réalité, je le fais à la perfection. Je perfectionne le phrasé sur percussion. Ouais, le beat, je bastonne avec la haine dans l'élocution. Attention, j'ai 77 de tension. Fais donc attention, mon but est de te mettre la pression. Cherchez avec précision, vous précisez, parce que j'ai présumé. Parce qu'il fallait que je mette le ton dans mes résumés. C'est là les 3 lettres à retenir. Mon rêve, c'est de me casser de là et que rien ne me fasse revenir. Qui est bleu dans une prison sans barreau, le son me donne le barreau. Fais bon que je me barreau, mais la question est si tu veux que je me barre où. C'est le barreau, va devenir ouf. Original MC jusqu'à mon dernier souffle. Je balance du frais, va falloir sortir les moufles. Je fais des trucs qui tuent du monde au chumel. J'ai toujours la vertu, même dans mon monde parallèle. MC depuis fort longtemps, vous permettez, j'ai pas encore fait mon temps. Je compte monter, rester d'actu, mais pour l'instant, la première vue, je suis perdu. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Depuis trop longtemps j'écris ma rage sur papier. Le lien, je veux palper la thune, je veux brasser le succès, l'embrasser. Être en haut de l'affiche, en couvre de l'affiche. Vais ce qu'il a faucheuse quand elle est d'une humeur faceuse. Du pêche, j'en veux plus dans mon fils. À la base, je veux marcher la matière grise. Ciné classe. MC, les problèmes s'enchaînent comme des freestyles sans thème, y'a pas un centime. Je suis dans la merde avec ou sans team. Combine, désolé, mais j'ai raccroché le combiné. J'ai jeté les mauvais souvenirs au cabinet. Moi, je mérite ma place sur une basse et pas au fond de leur classe. Fais cribouiller ma masse hein. À la base, loin d'être à la masse. Je rappe avec la classe, jeune rappeur derrière un micro aisé devant un bédo. Je suis pas du piton ni du boys band. Ok, je pense pas tellement que la basse ça m'a l'oubli. Écoute ma voix sur percu avec des rimes super crues. Je préfère être un cran qu'être un gros, mais pour l'instant, je suis perdu. Perdu sur ma route, putain, je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est CLA, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain, je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain, je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain, je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Perdu sur ma route, putain, je suis écorché vif. Perdu, je me dis parfois qu'on l'est tous. Encore un jeune paumé qui voudrait bouffer ici. C'est là, A-N-A-R-C-H-I. Original MC.